Ici d'abord, le système éducatif par exemple, musical, c'est pas développé au Sénégal en fait. Il y a un problème de culture ici en fait. Par exemple, au contraire chez vous, parce que les enfants sont très tôt imprégnés dans la culture. Par exemple, à bas âge, il y a des enfants qui font piano, violon, etc., guitare, mais ici, ici, c'est, les gens ne sont pas tellement ancrés dans le système culturel, dans le système musical. Il y en a qui le font, mais pas, il n'y en a pas beaucoup. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à apprendre la musique, c'est quand j'avais 19 ans, j'étais grand. Et ici, on n'a pas la même culture que chez vous. Parce que les enfants sont très tôt imprégnés, par exemple, dans la musique. Parce qu'en plus, c'est bien aussi pour relaxer déjà et aussi pour son éveil aussi. Parce que ça aide, en fait. Ici, il n'y a pas cette culture, en fait, d'imprégner les gens et les enfants très tôt dans la musique. D'être dans les familles où, par exemple, les griots. Il y en a, par exemple, qui apprennent leur enfant très tôt à jouer la cora ou le balafon, parce que c'est dans leur famille. Tu es né et tu trouves déjà l'instrument dans la famille. Donc là, il y en a quelques-uns qui commencent très tôt à par exemple, à taquiner la cora, à jouer le balafon par exemple. Donc, parce que ça c'est dans les familles griot où le truc en quelques guillemets ça les appartient en fait. C'est comme si une sorte d'héritage. Parce que tu es né, dès que tu es né tu trouves déjà l'instrument dans la famille. Il y en a quelques-uns qui ont commencé très tôt, mais dans l'ensemble, non, il n'y a pas cette culture en fait. Il n'y a pas cette éducation musicale là. De la musique ne sont pas accessibles pour tous les gens sénégalais. Si oui, combien de cinq? Accessible, non, en quelque sorte. Mais je veux dire, moi je trouve que c'est un problème d'éducation. On n'éduque pas dans ce domaine, par exemple, culturel. On n'accentue pas dans ce domaine, dans l'éducation de l'enfant. On ne l'imprègne pas très tôt, par exemple, dans la culture, non. Exception dans les familles, peut-être, dans les familles des griots, peut-être. Ouais. Ça arrive que l'enfant commence très tôt à taquiner un instrument, à apprendre un instrument, ça arrive. Mais en général, non. Parce que déjà ici il y a un seul conservatoire ici et il n'y a pas tellement de moyens donc pour déjà il y a un problème déjà de structure dans le conservatoire parce qu'il n'y a pas déjà de bons instruments en fait. Moi par exemple à l'époque quand j'étais là-bas mais après nous il n'y avait pas tellement de les moyens se sont réduits. Il n'y avait pas beaucoup de profs déjà. Donc, parce que nous, il y avait la coopération française et russe. On avait des profs français et russes. Mais après ça, il n'y a plus de coopération, ils sont partis. Après, bon, l'école a eu beaucoup de difficultés. Ce que je dis, c'est tout ça, ça dépend de, tu vois, c'est une question d'éducation culturelle. Ouais. C'est-à-dire que les enfants ne les gens parlent d'éducation musique à l'école, les gens... Non, parce que c'est parce qu'on ne les éduque pas dans ce sens. Par exemple, à imprégner, à taquiner très tôt, par exemple, à faire très tôt la musique, au moins une pas se professionnaliser, mais au moins quelque part, c'est bon pour leur éveil. Tu vois? Mais on n'a pas cette culture en général, En général, les gens qui ont cette culture, c'est peut-être dans les familles où ils sont métissés, ou peut-être le papa a une éducation occidentale, ou leur maman, ou je sais pas. Donc voilà. Mais en général, non. Non. C'est pas. Il y en a qui ont des moyens, mais c'est pas un truc de moyens. C'est une question d'éducation que tu vois. Ils n'ont pas imprégné dans leur éducation de leur enfant. Ils n'ont pas guidé dans ce sens, non. C'est plutôt, voilà, l'école, la scolarité, donc voilà, tu viens de faire ce que tu vois. Donc ce n'est pas vraiment possible pour n'importe quelle personne de jouer la musique. Non. Il n'y a pas tellement cette accessibilité, au fait. Ici, il y a juste une école. Conservatoire. Ouais. En plus, c'était le premier conservatoire de l'Afrique de l'Ouest. Wow. Autant il y avait les gens de la sous-région qui venaient apprendre ici. Ils venaient de la Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, en fait. Donc, ouais. Mais c'est pas facile, en fait. C'est pas facile. Ça me conseille d'une autre question qu'on n'a pas écrite celui-là, mais l'idée de conservatoire de musique, est-ce qu'on considère ça d'être occidental? C'est ça le problème, parce que moi, par exemple, quand je vais faire la musique, la base, c'était pas pour faire la voix, en fait. Parce que moi, j'étais surpris de voir qu'il y a une section traditionnelle dans le conservatoire. Quand j'étais venu, on m'a dit, ah, il y a une section traditionnelle. Il y a Kora, Balafon, Haland. Ah bon? J'ai dit, ah. Parce que déjà, la Kora me plaisait. Je voyais à la télé les vieux qui jouaient. Quand j'étais enfant, je partais au monastère. Parce qu'ils utilisent les Kora pour leurs prières à l'église. Donc des fois je taquine un peu, j'ai entendu le son, ça m'a séduit. C'est le système occidental, en fait. Le solfège, tu fais les trucs classiques, Beethoven, machin, je sais pas. Voilà. Mais quand même, il y a une section traditionnelle dans le conservatoire. Ou ceux qui veulent apprendre à jouer la kora, balafon, les djembe, khalam, etc. Quel est le chemin normal que les gens suivent pour devenir musicien, ou existe-t-il un chemin normal? Ici, par exemple, le chemin normal ici, c'est les gens, la plupart, les musiciens ici sont autodidactes, ils ne sont pas passés par l'école. Les musiciens que tu entends, tout ça ici au Sénégal, la plupart, ce n'est pas des gens qui ont fait le conservatoire. C'est des autodidactes. Autodidactes, ils n'ont pas fait l'école de musique. Ils ont des gens professionnels. Ici, oui, ils l'ont appris à l'oreille, voilà. Ou bien tu entends une musique, tu essayes de relever, mais pas lecture. Non. Ils ne savent pas l'écriture de la musique, ils ne comprennent pas l'écriture de la musique. Ils sont enseignés soi-même. Oui, ils le font à l'oreille. Voilà. Est-ce qu'on peut obtenir un degré en musique au Sénégal? La plupart des gens qui ont obtenu certains degrés ici, c'est après, ici, tu peux aller te performer, par exemple, en Europe. Si tu veux, par exemple, un doctorat ou je sais pas, des trucs. Mm-hmm. Ouais, for- forcément. Mais ici, en tant que tel, bon, je ne pense pas. C'est pas possible d'obtenir un diplôme. Non. Il n'y a pas une école développée pour ça, une université de musique ici, non. Il y a juste un conservatoire, donc voilà, certes. Mais il n'y a pas une université de musique ici. Bon. École nationale des arts. Est-ce qu'il y a des autres écoles spéciales pour la musique, peut-être pour les jeunes ou non, peut-être les gens qui prennent des cours à domicile, des cours privés. Ouais, il y en a. Il y en a qui donnent des cours, qui prennent un professeur, voilà, ils prennent des cours à domicile. Ça coûte combien pour des cours privés? Moi, par exemple, moi, je fais l'heure à 10 000 francs. Quand je donne quelqu'un un cours, je le fais à 10 000 francs. Maintenant, si je dois me déplacer, si le transport, 5 000 francs, ça fait 15 000 le cours. Est-ce que c'est commun pour les gens de prendre des leçons privées? Hein? Est-ce que c'est commun pour... Enfin, moi, je donne des cours de kora et je donne aussi des cours de balafon. Donc, ils le font peut-être deux fois dans la semaine, ça dépend de leur calendrier, de l'école. Donc, les jours où ils n'ont pas d'école, voilà. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui offrent des leçons. Qui suivent des leçons ou... Pas beaucoup, beaucoup. Ah. Mais il y en a quand même qui prennent des cours de musique pour leurs enfants, en fait, en dehors de leur cours d'école. Si on a une section de répétition, je te dirais, c'est possible. Okay. Ouais. C'est possible. Il y a aussi, on fait des ateliers des fois, même avant de répéter un truc. Donc, en général, comment vous faites des répétitions? On peut faire des ateliers en général. On fait des ateliers, maintenant, c'est pour répéter avec tout le groupe. On va au studio. Oui, ça me rappelle comment professeur Downing a dit qu'en Indonésie, n'existe pas une séparation entre les répétitions individuelles et les répétitions en groupe. En groupe. C'est le même truc, c'est le même mot. Est-ce que ça c'est la même situation au Sénégal? Non, tu sais, si en général, par exemple, si on doit accompagner, par exemple, un musicien qu'on ne connaît pas, il envoie ses sons déjà, et chacun essaye de relever déjà à la maison. Après, on fixe des heures, des jours de répétition pour faire ensemble. Mais chacun déjà, il travaille individuellement pour relever. Si c'est un musicien qu'il n'a jamais rencontré, par exemple un chanteur qu'on ne connaît pas, il envoie ses sons, on essaye de relever déjà. C'est pour que la répétition aille vite après. Maintenant, s'il y a des trucs à régler sur place, on règle ça au fur et à mesure. Après, la répétition individuelle, qu'est-ce que tu fais? Pour moi, par exemple, je suis dans le salle pour les répétitions et je commence avec des écarts. Des écarts et après des autres exercices de technique et après le répertoire. Est-ce que c'est le même ou qu'est-ce que... Oui, c'est même, c'est un travail individuel en fait que tu dois faire déjà. Tu vas performer la technique et c'est déjà, hein, la première chose que tu dois définir c'est déjà la gamme. Le chanteur il est dans quel scale et comment dire ça en anglais? La gamme, Skel. Voilà, quel, il est dans Skel, donc voilà. Est-ce qu'il y a des modulations? Donc déjà, tu structures, tu comment dire, tu décortiques déjà la structure de la musique, tu vois. Après, donc voilà. Maintenant, après, il y a d'autres trucs que tu peux ajouter une fois en répétition, parce que c'est des sensations aussi. Parce que chacun a aussi, tu vois, ses propres sensations, sa propre manière de concevoir aussi la musique. Mais déjà, il faut déjà faire texte à S, ce que tu entends déjà sur le truc. Par exemple, une musique qu'on t'envoie, après, tu peux ajouter tes trucs, parce que c'est des sensations, ce que tu ressens. Mais c'est toujours dans l'idée. Ouais, les gigs, les concerts. Ouais, j'ai quelques questions à ce sujet des gigs, des concerts. Ok. Ouais. Quand est-ce que la plupart des gigs, des concerts commencent ici? Comment, ici? Ouais. Ça dépend. Il y en a un qui commence à 22h. Il y en a aussi des concerts, par exemple l'Imbala, il commence tard et ça arrive qu'il commence par exemple à 1h ou 2h du matin. Ouais, parce que en général les concerts d'Imbala, vous connaissez l'Imbala? C'est la musique ici aussi, nationale aussi, c'est l'Imbala. Okay. L'Imbala, oui. Imbala? Oui. Comment ça s'écrit? M, B, A. L, A, X. Voilà. Ah, voilà, j'ai vu ça, non. Voilà. Ça t'en commande. Voilà. Ah, en général, les concerts d'Imbala, ça commence tard. Ça peut commencer au-delà de minuit, jusqu'à 5 heures du matin, ou je ne sais pas. Non. En général, ça commence tard. Mais les autres concerts, ça dépend. Ça peut commencer à 22 heures, au plus tard, à minuit, et donc ça dépend. Ah bon? Il y a aussi des after work aussi, des fois. Alors, en fait, après? Bon. Ça me fait penser. Est-ce qu'on dort un peu avant tout cela? Quand on a une soirée? Hein? On dort entre, disons, 18h et à 18h à 29h peut-être pour se reposer avant le truc. Ouais. Non, on fait pas ça. Pas forcément, chacun a son organisme. Moi par exemple, je ne peux pas dormir avant parce qu'après je vais me sentir lourd. Tu vois, ouais. Il y a d'autres qui préfèrent dormir avant. Chacun a son mécanisme, sa façon de voir les choses. Chacun connaît son corps. De quoi son corps a besoin. Oui. Tu comprends? Voilà. Moi, par exemple, je ne peux pas dormir pendant l'heure. Quand le soleil se lève, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas. Ouais. Je peux m'allonger comme ça, essayer de voilà, relaxer, mais pas dormir. Ah, non. Alors, ça, Mbala. Ouais. C'est comme ça. Est-ce que les gens dansent partout? C'est comme ça, ou est-ce qu'on s'assoit en regardant? Voilà, les gens, ils dansent. Les gens, ils dansent. Ouais. Là, Mbala, parce que ça bouge, c'est une musique d'ambiance. Les gens, ils dansent, Mbala. Les trucs, ça bouge, les soirées, Mbala. C'est le début jusqu'à la fin. Hein. On peut s'asseoir comment? Les gens, ils bougent, ils dansent. Voilà. Ben oui. Excellent. Voilà. Tu verras après la chorité, tu verras peut-être, tu vas aller en concert de Wally Sek ou en concert, tu vas aller voir pour voir comment ça se passe. Oui, oui. Je voulais, parce que je dois aller des concerts, je peux voir des musiques en direct. Voilà, parce que là, c'est comme c'est la période du Ramadan. Oui, on doit attendre voilà, ça. Voilà, c'est des périodes mortes. Et c'est pourquoi on fait des interviews avant, voilà. et puis je peux aller partout. Ah, après, tu vas aller partout, tu verras, tu vas découvrir des concerts, tu verras comment ça se passe. Il y a des endroits où les gens, ils viennent, ils mangent, et ils écoutent. Voilà. ça va arriver de temps en temps, s'il y a une musique d'ambiance, tu te lèves, tu vas danser et tu retournes à ta table. Non. Ça, c'est des bars resto. Il y a des boîtes où c'est wow, ouais. Les boîtes et la musique en direct. Oui, c'est l'ambiance. Les gens, ils bougent, move. Ouais. Donc, aux boîtes, je crois, est-ce qu'on utilise musique pré-enregistrée là, partout? Non, parce que c'est des lives. C'est toujours live. C'est des concerts en live. Ah, oui. Aussi, il y a aussi des soirées avec DJ. On utilise les musiques déjà enregistrées. Ouais. Il y a aussi des soirées comme ça. Tu pars en boîte, on te met, voilà, il y a un DJ, il te met des sons, je sais pas quoi. Donc, c'est plus populaire d'avoir la musique live? Ah ben oui, la musique live, c'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance. Tu verras, tu vas découvrir, tu vas aller voir tu vois, une soirée où elle sait que tu verras bien l'ambiance. Tu vas découvrir toi-même, tu verras, excellent. Tu verras comment ça va se passer. Donc, quels sont les artistes musique tu aimes écouter, les musiques enregistrées? Moi, par exemple, j'aime, je peux dire, je ne suis pas dans, par exemple, un carré, non. Il n'y a pas de carré, non. Moi, quand la musique est belle, je consomme. En général, j'écoute. Par exemple, je ne peux pas dire, c'est très rare que j'écoute l'ambala, parce que pour moi, c'est trop chargé. Moi, j'aime bien les musiques bien dépouillées, ramener, tu entends tout. Pas les musiques pleines, plus chargées, non. Non. Ça, donc ça n'existe pas beaucoup, pourquoi? Mais d'écouter la musique avec un petit truc comme ça. Non, si, si. Ah, si? J'ai dit, j'écoute. Tu m'as dit quel genre de musique j'aime écouter. Tu m'as dit, ouais. C'est ce que je t'ai dit. Quand la musique est belle, j'écoute. Ah. Tu vois, quand la musique est belle, c'est ce que je te dis, j'écoute très rarement les mbalas. Ah. Parce que c'est chargé pour moi, c'est plein. C'est une musique très chargée, le mbala. Ouais, excellent. Ah. Tu vois ici les musiciens, est-ce qu'on a mélangé des musiques des cultures différentes ici? Il y a des groupes qui jouent des variétés. Waouh, wow. Excellent. Il y a des groupes qui jouent des variétés, pas un balade, mais ils jouent des variétés. Ils jouent le blues, ils jouent le jazz, ils jouent des trucs français, tu vois, ouais. Die Street. J'aime beaucoup le jazz. Voilà, il y a des groupes qui jouent les variétés, en fait. Parce qu'ils ont appris la musique par ça. Oui, à cause des variétés, tu vois, les trucs. Et écouter beaucoup de choses. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui aimaient, par exemple, les guitares relevées. Comment dirais-je, Eric Clapton, il y en a d'autres qui aiment relevées. Ça dépend, tu vois. Chacun avait son modèle à lui, tu vois. Bon. Voilà. Et un petit autre, quels sont vos instruments préférés hors mikora? Ok. Moi, par exemple, quand j'étais parti pour apprendre la musique, ouais. Moi, c'est la basse, en fait. J'étais mon instrument de cœur. Ouais, ouais. Le basse, c'est très ouais, cool, ouais, ça. Parce que, voilà, parce que je voulais faire la basse. Ouais. Mais hors la kora, là, j'aime bien la basse, la guitare. Ouais, du piano. Ouais. J'ai un peu fait le piano d'ailleurs, les trucs classiques que j'apprenais à l'école. Moi, j'aime bien découvrir les instruments en fait. J'aime bien. J'ai taquiné un peu le balafon. J'ai fait aussi Ngoni, c'est un instrument traditionnel du Mali. J'aime bien découvrir les trucs. Pareil. Wow. je veux dire, tous les instruments sont beaux pour moi, en fait. Mmh. Ouais. Ça, c'est cool. Ouais, j'aime les instruments. Si je pouvais jouer tous les instruments, je sais pas. Une bonne philosophie. Ben ouais. Ouais. Mais bon. Mais ouais. Tous les instruments sont... Moi, je trouve ça magnifique, en fait. Voilà. Tu entends les instruments avant, tu entends le sax, la flûte, le machin. Ouais. Donc, voilà. Tu vois quelqu'un le jouer, t'as dit, waouh. Ouais. Si tu sais pas le jouer, par exemple, tu essayes de jouer pour toi-même, ça va pas être beau. Mais si quelqu'un le joue, quelqu'un qui connaît l'instrument, tu dis, waouh, c'est beau. Waouh. Forcément. À Laurence, on a du gamelan d'Indonésie. Ah, voilà. Et c'est excellent, ça. Vous avez une diversité d'instruments là-bas. Oui, on a une vraie diversité d'instruments. C'est magnifique. C'était une question. Oh, j'ai pas quel type de musique est considéré professionnel? La musique professionnelle, l'orchestre? Professionnel, tout est professionnel. Okay. C'est une question de goût. Il y en a qui se professionnalisent dans le traditionnel, il y en a qui se professionnalisent dans le moderne, il y en a qui se professionnalisent dans le jazz. C'est une question de goût, en fait. Ouais. Ouais. C'est toi. Est-ce que c'est facile d'entendre des instruments? D'acheter instrument. Un instrument. Wow. Oui. C'est difficile. Difficile. Un bon instrument. C'est très difficile. Parce qu'il y en a beaucoup des instruments mal partout. Il y a des instruments des ici, touristes. Mais la plupart, ce n'est pas l'instrument de bonne qualité. Et pour avoir un instrument, voilà, c'est difficile. C'est cher déjà. Donc, en plus, il faudrait avoir cette passion donc pour s'investir, par exemple, acheter un instrument cher. Il faut vraiment être passionné pour ça. Ouais. Parce que c'est un sacrifice, en fait. Ouais. Et comment la musique regarde? Est-ce qu'il y a de la notation ou est-ce que c'est vraiment pas pour les... Oui. La plupart ici des gens, ils ont appris à... Notation. Les écritures. Oui. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait le solfège. D'accord. Non. Ça sent pas. Il y en a qui ont fait cette formation de solfège, mais pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ici, par exemple, des grands musiciens que tu entends ici, voilà, les stars ici. Déjà, quand j'ai choisi la chora, c'était pas facile déjà. Comme moi, je suis pas griot. Donc, ils m'ont dit que voilà, tu n'as pas le droit de jouer ça parce que tu n'es pas griot. Parce que voilà. Or, j'ai trouvé ça stupide parce que je veux dire, la musique, il n'y a pas de frontières. Vous, aujourd'hui, vous apprenez à jouer la chora. T'as pas besoin d'être un griot pour jouer la chora. Pour moi, c'est stupide, en fait, je veux dire. Parce que je me rappelle, il y avait un vieux qui était là-bas à l'époque. Les élèves lui ont demandé, c'est une anecdote, comment on fabrique une chora. Il a dit, tu sais comment il a répondu, il dit, si je lui dis comment fabriquer une chora, mes enfants ne vont plus manger. Donc, déjà, tu vois, c'est un secret pour... Donc, tu vois... Parce qu'autant ils disent, ouais, la chora est très mystique, c'est mystique, donc voilà. Mais je l'ai appris à l'école, c'est juste, on te donne juste une petite connaissance, mais après, c'est à toi de développer après. Parce qu'ils te donnent juste un peu, juste les bases, mais après, le reste, c'est à toi de, il faut déjà travailler ton oreille, parce que c'est l'apprentissage en oreille. Et c'est pas des gammes d'écriture. Ouais. Et Mais il y a, le système aussi que les moines ils ont créé, mais c'est pas la culture. C'est moins que c'est classique. Et est-ce que les musiciens ont de la respect des autres, des musiciens professionnels? Est-ce que ça est une profession qui est respectée? Oui. Maintenant, mais autant. Si tu vois quelqu'un faire la musique, il n'y avait pas autant de respect comme maintenant, parce que là, il voit l'enjeu. Mais autant, par exemple, il te dit, c'est l'art de perdre son temps. Tu perds ton temps, en fait, on te dit. Parce que, on te dit, la musique est liée, par exemple, le sexe, drogue, alcool, tu vois. Les filles, donc, tu vois, c'est un peu... Il le voyait comme un peu comme un chemin qui mène à la dérive. Autant ils étaient très sceptiques, par exemple si tu vois ton enfant faire la musique, tu dois le dissuader pour ne pas, mais maintenant c'est différent, en fait. Parce que maintenant, avec, tu vois, la technologie, les gens ils voient un peu comment ça se passe, donc, voilà. Mais autant c'était difficile, en fait. Ils voyaient ça comme une perdition. Un chemin qui mène vers l'échec. Et c'est quoi la vie d'un musicien ici? Faire des performances, créer un groupe, enseigner des leçons. C'est difficile. C'est toujours difficile d'être un seul musicien. C'est difficile. Tu fais seulement la musique, c'est difficile. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de performances, donc voilà. Par exemple, quand ce qui est bien, c'est de performer en Europe, par exemple, tu fais des séries de concerts, des tournées. Là, c'est bien, parce que là... Des grands voyages en Europe, des grands voyages partout dans le monde. Amsterdam, Paris, voilà, Madrid. Là, c'est bien. Là, au moins, tu sens que voilà, ça, c'est le fruit d'un travail. Mm-hmm. Et à part ça, il n'y a pas tout le temps en plus. Ça paye pas bien ici, par exemple, ils préparent très bien les instrumentistes, en fait, en général, les chanteurs. Ouais. Est-ce que c'est comment pour des musiciens de enseigner des leçons ou pas vraiment? Oui, il y en a qui font, parce que ça aide à boucher un trou quelque part, parce que tu as des responsabilités, tu as une famille à nourrir, donc voilà, c'est bien de faire des cours par-ci par-là, ça t'aide, tu vois. En attendant, par exemple, d'avoir une tournée en Europe ou voilà, dans le monde. Mais c'est difficile, c'est difficile. En général, ce sont les chanteurs qui s'en sortent plus. Parce que, en général, la part du gâteau, la grande part du gâteau, ça les revient. Ils donnent que des miettes, des petits trucs, des instrumentistes. Or, c'est pourquoi il y en a beaucoup d'instrumentistes ils se sont sentis frustrés. Ils sont partis, ils sont restés en Europe ou au Canada ou je ne sais pas. Ici, maintenant, pour trouver des instruments, des instrumentistes, il y en a des chanteurs qui galèrent pour avoir des gens pour les accompagner. Une dernière question pour moi, c'est est-ce que vous avez des idées pour nos prochaines étapes? Dans ce projet. Oui, c'est ce qu'on va essayer de voir, parce que vous allez, par exemple, essayer de découvrir, essayer d'interviewer un musicien traditionnel. Et aussi d'autres musiciens, par exemple, des jeunes musiciens, ou par exemple des beatmakers. Donc, tu vois. Essayer, par exemple, de découvrir l'École nationale des arts, comment ça se passe. Donc voilà, donc tout ça, là, c'est des idées à développer. Aussi rencontrer des sites culturels, aller voir comment ça se passe. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'informations de contact pour une musicien traditionnelle ou pour des autres musiciens de France? Artiste traditionnel. Oui. Oui, j'ai des contacts. Il y a un qui fait calebasse. c'est un joueur de calebasse. C'est un peu comme la batterie. Il y a un qui fait flûte traditionnelle, le tohoro. Il fait flûte traditionnelle. Il y a un aussi, il fait balafon. Balafon chromatique, c'est, il est tradé moderne. Parce qu'il faut faire du jazz, il fait des trucs traditionnels, et, voilà, tradé moderne. Je pense que je vais le contacter pour le contact. Ok. Ok. Oui. Okay. Il faut juste dire ce que vous voulez faire après. Alors, voilà. Ouais. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Ouais. C'est fini?